Qu'est-il donc auprès de toi qui se tortille, saute et danse et te fait mille révérences? Oui, c'est le petit fou du roi, brûlé de musique et d'émoi. Il recherche en toute innocence un doux sourire en récompense. Un doux sourire en récompense. Son œil voit l'oubli où son plaisir s'élance à la fin de la contredanse. Vois hors d'ici, vois hors de toi la foule au visage d'effroi. Quand la nuit triche avec l'absence, carnaval singe délivrance. Carnaval singe délivrance. Sa demande.